Eric Ouimana sur la mise en onde, la cabine au micro. Vous êtes avec Vestine Boutoyi. Bienvenue à ce journal. Donc voici les grands titres. À l'occasion de la semaine mondiale dédiée aux antimicrobiens, le ministère de la Santé publique interpelle tout le monde à suivre le traitement tel que prescrit par les professionnels de la santé. Et le Conseil des ministres est tenu au cours de cette semaine à recommander d'envisager la revue à la hausse du budget alloué à la restauration des élèves internes pour l'exercice budgétaire 2023-2024. Et voilà pour l'essentiel. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Débutons ce journal et par la page santé. Le mauvais usage des médicaments antimicrobiens, dont le partage des doses à l'endroit des malades, a des effets néfastes sur la santé humaine. Cela ressort d'un communiqué sorti par le ministère de la Santé publique dans ses attributions ce 18 novembre à l'occasion de la semaine mondiale et dédiée aux antimicrobiens. Docteur Olivier Nijimbele, secrétaire permanent au sein de son ministère, sensibilise tout le monde à suivre l'intégralité du traitement prescrit par les professionnels de santé. Suivez-le. Cette semaine vise à promouvoir un usage éclairé de ces médicaments vitaux afin d'en préserver l'efficacité pour les générations futures. La résistance aux antimicrobiens se produit lorsque les microbes comme les bactéries, les champignons, les parasites ou les virus s'adaptent et deviennent résistants aux médicaments utilisés pour les combattre, impactant ainsi l'efficacité du traitement en augmentant au passage le taux de morbimortalité, la durée des hospitalisations et le coût global des soins. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, appelle les États membres à adopter les bonnes pratiques pour prévenir et lutter contre ce phénomène dans le cadre de l'approche Une seule santé qui s'articule sur l'implication de tous les acteurs de la santé humaine, animale, végétale et environnementale. Conscient du danger que présente la résistance aux antimicrobiens sur sa population, le Burundi s'est doté d'un plan d'action national de lutte contre la résistance aux antimicrobiens 2020-2023 qui est un document stratégique qui montre clairement les interventions à réaliser, le cadre logique et les indicateurs de performance. Chacun de nous a un rôle à jouer dans l'arrêt de la résistance aux antimicrobiens. En santé humaine, la clé est d'utiliser uniquement les médicaments prescrits par un professionnel de santé agréé et de veiller à suivre le traitement prescrit dans son intégralité en respectant les posologies recommandées. Le mauvais usage et l'abus d'antimicrobiens nous mettent tous en danger. Et en page économie, les plafonds d'engagement trimestriel des dépenses doivent être validés par le Conseil des ministres. Ce point a été analysé ce mercredi lors du Conseil des ministres. Ainsi, ce conseil a recommandé d'envisager l'augmentation du budget alloué à l'alimentation des élèves internes pour l'exercice budgétaire 2023-2024. Suivez Prosper Naugwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Les plafonds d'engagement des dépenses sont soumis à des règlements prescrits dans certains textes, notamment le décret sur la gouvernance budgétaire, le décret portant règlement général de gestion des budgets publics, etc. Il se conforme aussi à la loi portant fixation du budget général de la République du Burundi pour l'exercice 2022-2023, qui prévoit que les plafonds d'engagement trimestriel des dépenses qui doivent être validés par le Conseil des ministres. Ces engagements se font en fonction des encaissements et constituent de ce fait un outil indispensable de régulation des dépenses. Ils sont conformes au plan de trésorerie de l'État, concernent toutes les dépenses de l'État, sauf celles qui ont un caractère obligatoire et incompressible, comme les dépenses de salaire et de la dette. Ainsi, au cours de la gestion budgétaire 2022-2023, le rythme des engagements sera fonction du rythme d'encaissement des recettes. Après analyse de ces plafonds d'engagement des dépenses pour le deuxième trimestre 2022-2023, le Conseil des ministres les a adoptés avec les recommandations suivantes. Envisager l'augmentation du budget alloué à l'alimentation des élèves internes pour l'exercice budgétaire 2023-2024. Encadrer et suivre l'exécution des budgets alloués aux projets financés par les partenaires au développement. Que tous les ministères s'impliquent pour augmenter les recettes. Ce conseil des ministres a également analysé une note relative aux considérations additionnelles sur le projet de création et organisation de l'Agence nationale de l'urbanisme. Selon Prosper Anaugwamiye, comme il n'existait pas encore de mécanisme d'assurance qualité de construction au Burundi, au Bois, l'ARB et la mairie se contrôleraient elles-mêmes, encore une fois, suivez-le. Comme il n'existe pas encore de mécanisme d'assurance qualité des constructions au Burundi, aussi bien les structures en place que celles proposées ne feront pas valoir la bonne pratique dans le secteur des constructions, telle que l'expérience observe dans les autres pays, surtout de la sous-région. Le Bura, l'ARB ou la NIRI se contrôleraient elles-mêmes, alors qu'ailleurs, il existe des structures reconnues internationalement en matière d'assurance qualité. Il est alors proposé de sursoir temporairement à l'approche de fusion de l'OBOA et de l'ARB, renforcer techniquement et financièrement ces agences afin qu'elles améliorent davantage leurs performances dans le cadre de la nouvelle dynamique des travaux en régie. Mettre en place un mécanisme ou une structure de contrôle de qualité de construction comme il en est le cas dans les autres pays, particulièrement ceux de la sous-région. Après échange et débat, le Conseil des ministres a soutenu ces propositions avec les recommandations suivantes. Veiller à ce que l'organe de contrôle de qualité de construction soit transversal et couvre toutes les infrastructures. Mettre en place une structure politique et technique de coordination de l'OBOA et de l'ARB décentralisée au niveau provincial, le cas échéant au niveau communal, surtout en perspective du projet de découpage administratif en cours. Et enfin, renforcer la stratégie d'exécution des travaux en régie. La radio de l'avenir. Continuons ce journal et par la page gouvernance et savoir les procédures utilisées par le Bureau burundais de normalisation de la qualité pour la certification de mes services et la période de faisabilité sont des questions soulevées par des participants lors de la journée internationale de la normalisation. Séverin Sindai Kingi, la directrice générale du BBN, rassure que les procédures utilisées sont connues. Pourtant, il affirme que cet organe éprouve des difficultés et était avec Elie Diagaimbari. Certains participants à la journée internationale de la normalisation ont soulevé des inquiétudes sur le fonctionnement du bureau burundais et de la normalisation, surtout sur les stratégies de vérification des produits trouvant sur le marché, s'ils ont été certifiés ou pas. Dans notre service, nous faisons des centres de suivi en 80 des structures d'innovation à travers tout le pays. Dès qu'on leur pose des questions de savoir si leurs produits sont certifiés, il y en a qui nous répondent que, en disant que leurs demandes ont été adressées au BBN depuis longtemps, mais que les réponses traînent beaucoup. Et dans l'entretemps, leurs produits sont déjà sur le marché. Est-ce qu'il y aurait-il une stratégie de vérification des produits se trouvant sur le marché pour savoir si tel ou tel autre produit est certifié par les services du BBN. Une autre question soulevée concerne les procédures exigées par le BBN avant d'octroyer le certificat de la mise en vente des produits. Quelles sont les procédures exigées par le BBN avant d'octroyer un certificat de mise en vente pour la consommation humaine? Sur toutes ces questions soulevées, le directeur général du Bureau burundais de la normalisation, professeur Séverin Sindayeboula, indique que les procédures suivies pour donner l'un ou l'autre certificat à ces entreprises sont connues. Les procédures suivies pour donner l'un ou l'autre certificat à ces entreprises, c'est connu. Quand l'entreprise a un produit, il invite le Bureau de normalisation pour faire l'échantillonnage et faire une visite pour donner des conseils sur les procédés technologiques de fabrication bonne pratique avec les difficultés que connaît notre bureau. Ce qui fait que nous ne refusons pas ces erreurs. Ce qui est bon, on les a desserrés et nous sommes prêts à corriger. Ce que nous allons exiger aux entreprises, ils vont se conformer. Le directeur général de BBN souligne également que le Bureau burundais de la normalisation a la prérogative de retirer le certificat une fois les procédures exigées à une entreprise ne sont pas respectées. Merci Lydia Gahimba. Les bouclons ce journal et pas à la page société où des partenaires au développement vivant dans la province de Bururi déplorent le refus des attestations d'indigence délivrées par des administrateurs communaux. Le directeur provincial de l'enseignement reconnaît ce comportement chez certains directeurs. Ces derniers arguent qu'un grand nombre d'élèves indigents handicapent le bon fonctionnement de l'école. Cela a été dit ce vendredi lors d'une réunion de coordination des projets et programmes de protection sociale organisée par la Commission nationale de protection sociale et d'État avec Zénon Zambiman. Ses partenaires au développement œuvrant à Bururi dénoncent certains directeurs des écoles secondaires qui arrivent à confisquer les documents des élèves indigents, dont les certificats de fin du poste fondamental pour le non-paiement des frais scolaires, alors qu'ils ont présenté leurs attestations d'indigence. Antoine Sabiyumba, directeur professeur de l'enseignement à Bururi, non n'est pas que certains directeurs refusent ces attestations d'indigence sous prétexte qu'un grand nombre d'élèves indigents ne facilitent pas le bon fonctionnement de l'école. Toutefois, tous ces cas sont toujours résolus par l'administration communale en collaboration avec ses directeurs. Ces derniers dénoncent la subjectivité de certains élus collinaires dans l'octroi de ces attestations d'indigence qui sont données aussi aux non-indigents. Une subjectivité dénoncée également dans le secteur de la santé à Bururi. Cela a été dit ce vendredi à Bururi. C'était au cours d'une réunion de coordination des projets et des programmes de protection sociale organisée par la Commission nationale de protection sociale à l'intention des partenaires au développement et vont dans ce volet à Bururi. Désiré Niburana, directeur administratif et financier à cette commission, fait savoir que le projet concernant le registre social unique qui précisera les critères de choix des vulnérables à assister et en quoi ils doivent être assistés ou appuyés pourra prochainement résoudre certaines de ces irrégularités observées dans l'identification des vrais indigents. Il demande à ses partenaires au développement d'exécuter leur projet de façon que les bénéficiaires arrivent aussi au développement durable. Depuis Bururi, Zénon Nzambimana pour la radio Isanganiro. Merci Zénon Nzambimana. Ici s'achève ce journal et mais permettez-moi de vous rappeler des principaux titres. À l'occasion de la semaine mondiale dédiée aux antimicrobiens, le ministère en charge de la santé interpelle tout le monde à suivre le traitement tel que prescrit par les professionnels de la santé. Le conseil des ministres tenu au cours de cette semaine a recommandé d'envisager la revue à la hausse du budget alloué à la restauration des élèves internes pour l'exercice budgétaire 2023-2024. Et voilà. Et voilà un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour la parfaite collaboration. Vestine Boutou, j'étais à la présentation. Au revoir. Après, ce sera la revue de la presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de votre zone d'écoute. Le directeur communal de l'éducation de Gitega se rétracte, titre la voix de l'enseignant. Et c'est pour évoquer comment le représentant syndical du CONAPES, en commune Gitega, se réjouit après la mesure prise par le DCE Gitega de suspendre les examens communaux en réseau au poste fondamental. C'est un soulagement parce que ce type d'examen accuse plus d'inconvénients que d'avantages, explique ce syndicaliste, qui précise que ce sont des examens mal organisés, qui prennent beaucoup de temps aux enseignants lors de leur choix et qui par conséquent font perdre à ces derniers des séances de cours. Ce sont des examens qui sont le plus souvent trichés, explique-t-il toujours dans les colonnes de cet hebdomadaire de l'éducation, qui souligne que les représentants syndicaux, les directeurs des écoles et le personnel enseignant continuent la lutte pour le respect de l'ordonnance ministérielle qui stipule que même dans les écoles fondamentales, seuls les examens en réseau sont permis et non les examens communaux. La santé financière de la majorité des coopératives sangwe dans la province de Rumonge n'est pas bonne, comme le fait savoir le responsable du mouvement coopératif dans cette province, souligne Burundi Echo. Suite à cette situation, écrit son confrère, le gouverneur de cette province recommande aux autorités judiciaires d'engager des poursuites judiciaires contre ceux qui ont détourné l'argent et le patrimoine de ces coopératives. Le procureur de la République à Rumonge, quant à lui, se dit disposé à poursuivre ces détourneurs pour abus de biens sociaux ou gestion frauduleuse, comme le qualifie le Code pénal burundais. Cet hebdomadaire socio-économique rappelle que les coopératives sangwe sont présentes dans toutes les communes du pays et ont reçu de la part du gouvernement du Burundi un montant de 10 millions de francs burundais chacune. La commune de Nyamurenza se dote d'un hôpital, rapporte l'agence burundaise de presse. Selon l'administrateur de cette commune, Césarine Nizigimana, les infrastructures devant abriter cet hôpital sont déjà disponibles et en bon état. Mais déplore toujours dans les colonnes de son quotidien le manque d'équipement et de personnel soignant suffisant pour fonctionner comme un hôpital, même s'il dispose d'un médecin généraliste et des services comme la maternité obstétricale et de la pédiatrie d'une grande importance pour la population et surtout les femmes et les enfants. Revue de la presse. Est du Congo, le Burundi risque de subir le revers de la médaille, titre l'agence Nest Press. Son confrère fait remarquer que l'insécurité qui se poursuit à l'est de la République démocratique du Congo a poussé la communauté de l'Afrique de l'Est, dont le Burundi assure la présidence pour le moment, à mener une action conjointe pour amener la paix et lutter contre les rebelles qui pullulent dans cette partie du Congo-Kinshasa. Au moment où les autorités de Gitega envoient des forces de l'ordre dans ce pays, dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est, telle que décidée au mois de juillet dernier, dans le but de combattre les ennemis de la paix, son confrère relève que les délégations congolaises, faites de politiciens et des membres de la société civile, font une autre lecture. En effet, poursuit son quotidien en ligne, elles ont suggéré aux médiateurs que les mêmes responsables burundais dialoguent avec les rebelles burundais qui sont actifs sur le sol congolais, allusion faite au groupe rebelle de Red Tabara et du FNL d'Aloïse Nzabamema. Une proposition à laquelle Gitega s'attendait le moins, conclut Net Press. Et pour terminer cette revue de presse, du bidonville de Buterere à la Paris Fashion Week, révèle un blogueur du collectif Yaga, parlant d'Obigana Alvin, ce jeune d'1m88 à la peau noire ébène, né le 17 novembre 2004 en zone Chibitoke de la municipalité de Bujumbura, diplômé du lycée technique Saint-Jean, qui réussira à prendre l'avion pour la ville Lumière pour une réinstallation familiale. Une agence l'ayant récemment contacté pour collaboration l'enverra pour des test-shoots avec marques comme Gucci, Adidas et d'autres. Note ce blogueur, qui se réjouit que les efforts de ce jeune Burundais conjugués depuis le début de sa carrière de mannequinat en 2018, paieront quand il sera retenu pour la Paris Fashion Week et pour bien d'autres événements encore tenus secrets. Ainsi se termine cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.